Section 52 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e, l'Europe féodale, les croisades. 1095-1270, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 10, troisième partie. La littérature en langue vulgaire par Charles-Victor Langlois. Thème de la littérature en langue vulgaire. Le Moyen-Âge a vu fleurir, en France, une abondante littérature populaire. Bien des raisons portent à craindre, a priori, qu'elle ait été de valeur médiocre. L'ignorance, en effet, était générale, sauf chez les clercs. Or, les clercs dédaignaient les productions en langue vulgaire. En second lieu, comme personne ne songeait au Moyen-Âge à contester les principes de l'organisation sociale ou à douter des enseignements de la religion révélée, la poésie du Moyen-Âge ne peut avoir ce qui fait le charme et la profondeur de celle d'autres époques. L'inquiétude de l'homme sur sa destinée, le sondement douloureux des grands problèmes moraux, les doutes sur les bases mêmes du bonheur et de la vertu, les conflits tragiques entre l'aspiration individuelle et la règle sociale. J'ai Paris. Enfin, les hommes du Moyen-Âge étaient malaisément accessibles aux impressions esthétiques. Ils ne jouissaient pas de la beauté des choses. Des sentiments conventionnels les possédaient tout entiers. Les thèmes originaux, propres à la littérature en langue vulgaire du Moyen-Âge, sont en effet peu nombreux. L'épopée féodale a fait vibrer la corde guerrière, très sensible dans une société violente et chevaleresque. Troubadours et trouvères ont exécuté d'agréables variations sur la corde de l'amour courtois, idéaliste et factice. Enfin, la gaieté malicieuse et grossière de la bourgeoisie française s'est exprimée dans les fabliaux. En somme, dit très bien M. Paris, ce qui rend surtout l'étude des écrits en langue vulgaire du Moyen-Âge attrayante et fructueuse, c'est qu'il nous révèle, mieux que tous les documents historiques, l'état des mœurs, des idées, des sentiments de nos aïeux. Récits épiques et romans. Les jongleurs, joculatores, qui ont grandement contribué à créer en France, au Moyen-Âge, une épopée nationale, étaient des musiciens ambulants qui chantaient, en s'accompagnant de la vieille ou de la sifouane, des chansons pour la récréation des seigneurs, à la manière des scopas francs, des scaldes scandinaves. Ils célébraient les hauts faits, les gestes des héros, les aventuriers et les guerres des rois. Dagobert, Pépin, Charles Martel, Charlemagne. Les guerres et les aventures des chefs de la féodalité naissante. Gérard de Roussillon, Raoul de Cambrai, Guillaume de Montreuil. Au XIIe siècle, ces récits indépendants et historiques à l'origine s'étaient compliqués de fables, allongés en poèmes de longue haleine, amalgamés et fondus. Les jongleurs travaillèrent à organiser l'immense matière épique qui leur avait été légué par le passé. Ils rajeunirent les chants anciens, ils les soudèrent, ils les distribuèrent en cycles, et tel fut le succès de ces opérations que, hors deux ou trois, Roland, pèlerinage de Charlemagne, nous ne possédons plus les plus beaux monuments de l'épopée nationale que restaurés, batigeonnés à la mode du XIIe ou du XIIIe siècle. C'est ainsi que nous ont été transmis, défigurés et méconnaissables, les récits des Gallophrons d'Occident sur le règne du roi Dagobert, Fluvent, sur la guerre de Charlemagne contre les Saxons, Chanson des Sénesses, sur la lutte des Celtes et des Normands en Armorique, Équin, sur les expéditions des Carolingiens en Italie, Désières, Aspremont, Fibreras, et en Espagne, Roland, Guy de Bourgogne, Anséis de Carthage, sur les luttes de Louis III contre ses vassaux et contre les pirates scandinaves, le roi Louis, sur les épisodes de la formation des grands états féodaux, en Bourgogne, Gérard de Roussillon, en Anjou, Guédon, en Verdonmois, Raoul de Cambrai, en Lorraine, Hervy, Garin, Girbert, Anséis, Yon. L'érudition moderne s'est appliquée à dégager la poignée de réalités historiques qui se trouvent au fond de ces poèmes artificiels, cachés sous les légendes parasites et les épisodes de pure invention. Elle n'y a pas toujours réussi. et l'on a dû renoncer à séparer les éléments romanesques des éléments primitifs dans des chansons comme Roland de Montauban, Lon de Bordeaux, Aubéry le Bourguignon. Le cycle, qui à cet égard a exercé le plus longtemps la sagacité des critiques, est celui des chansons narbonnaises, Garin de Montglane, où sont confondus les exploits de 7 ou 8 personnages réels d'époques et de pays divers. Guillaume, comte de Toulouse, qui arrêta les Sarrasins en 793 à la bataille de Lorbieu et qui fonda le cloître de Gélonne. Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine. Guillaume, comte de Montreuil-sur-Mer au Xe siècle, illustré par ses combats contre les Normands, etc. La geste narbonnaise offre un bel exemple des contaminations que les vieux récits épiques, à force d'être colportés de province en province, avaient subi et que les arrangeurs du XIIe siècle ont à dessein aggravé. Ainsi, l'inspiration des jongleurs dont nous avons les œuvres n'est pas directe. Les événements qu'ils racontent se perdaient déjà, au moment où ils les racontaient, dans la nuit du passé lointain. Mais ils ont su parfois, dans des récits traditionnels, usés ou même entièrement fictifs, faire passer l'âme de leur temps. La chanson du charroisdonisme, destinée à raccorder par une histoire imaginaire la légende de Guillaume de Gélonne à celle de Guillaume de Montreuil, est l'une des plus belles de notre littérature épique. L'épopée française du Moyen-Âge, du XIIe au XIIIe siècle, a été très abondante. Nous en avons perdu la majeure partie, mais il en reste encore de quoi emplir des bibliothèques. Malheureusement, à côté de quelques poèmes sincères, d'une énergie héroïque, elle compte beaucoup de productions médiocres. La langue épique, pauvre chez les plus habiles, gênée par une versification tyrannique, était alors monotone, sans couleur et sans saveur. Rien de plus plat et de plus verbeux que les compilations de la basse époque, d'Oun de Mayence ou le Charlemagne de Gérard d'Amiens, par exemple. À l'imitation de l'épopée, née de la tradition nationale, royale et féodale, fleurit, du reste de bonheur, l'épopée, plus artificielle encore, dont les jongleurs allèrent chercher la matière dans les œuvres de l'Antiquité romaine et de la décadence gréco-romaine. À l'imitation des poèmes sur Charlemagne, on composa des romans en vers sur Alexandre, sur la guerre de Troie, sur Jules César. Mais les meilleurs des romans du XIIe siècle ne sont pas ceux-là. Ce sont les romans celtiques. Geoffrey de Monmouth, évêque de Saint-Asaph, qui mourut en 1154, avait publié une fabuleuse Historia Regum Britannia, soi-disant traduite d'un vieux livre gallois, où il avait ramassé toutes sortes de légendes sur l'histoire ancienne des Celtes de Bretagne. Ce livre, qui eut beaucoup de succès sur le continent, y naturalisa des héros romanesques, grandes ombres vagues, Arthur, Merlin, etc. Les musiciens bretons, très goûtés dans les cours seigneuriales de France et d'Angleterre, répandirent de leur côté de touchantes et merveilleuses histoires de fées, de paladins et de belles dames, inconnues au monde germanique. Iseux, Tristan, Gauvin, Perceval le Gallois. Cette matière de Bretagne, enchantée et charmante, mais trop propice aux amplifications faciles, fut accueillie chez nous avec une faveur marquée. De Marie de France, qui vivait en Angleterre sous le règne de Louis II, nous avons de beaux Les Bretons, Les Dufresnes, Guingamore. Béroule, vers 1150, fit encore des traditions relatives à Christan. Un cycle de la table ronde se forma. Chrétien de Troyes, le plus célèbre trouvère de la cour de Marie de Champagne, fille de Louis VII et de la reine Aliénor, composa à partir de 1160 environ d'innombrables romans où sont habilement fondues les délicatesses sentimentales des Bretons et des Provençaux, la galanterie raffinée des uns, la passion naïve et profonde des autres. Le comte de la Charrette et le comte du Graal, Lancelot et Perceval sont les chefs-d'œuvre de Chrétien de Troyes, dont les imitateurs, qui furent légion, se sont presque tous perdus dans la banalité et dans l'emphase. Citons enfin des poèmes qui ne se rattachent nettement ni à la tradition nationale, ni à la tradition antique, ni à la tradition bretonne. Quelques-uns sont d'aimables et gracieux récits où se reflète parfaitement la haute société des plus beaux jours du Moyen-Âge. Tels sont Guillaume de Dôle, Jouffroy, la châtelaine de Vergy, Jean de Dammartin et Blonde d'Oxford. Poésie lyrique. Les circonstances historiques expliquent à merveille que les littératures de la France du Nord et celle du Midi aient suivi, jusqu'au moment où elles s'influencèrent réciproquement, des directions divergentes. Les Français du Nord aimaient les expéditions aventureuses, les beaux coups d'épée. Voilà pourquoi ils ont eu une épopée. Les Provençaux se souciaient peu d'entendre conter des prouesses pour lesquelles ils n'avaient pas de goût. Voilà pourquoi ils n'ont pas eu d'épopée. P. Meyer. Mais, peu belliqueux, les gens du Midi étaient riches. Les jongleurs étaient des personnages dans les cours princières du Languedoc. Les grands seigneurs eux-mêmes, auxquels la paix faisait des loisirs, ne dédaignaient pas de trop barre, de composer eux-mêmes. Leur vie s'écoulait au service des dames. L'amour et dans la guerre fut donc naturellement, dans les pays du Midi, la source de l'inspiration poétique, mais l'amour noble, fastueux, cérémonieux. L'amour, considéré comme un art, fut exprimé au XIIe siècle dans d'innombrables chansons lyriques en langue provençale, d'un style très recherché, parfois admirable. Ce sentiment de salon, l'amour soumis aux lois de la plus rigoureuse étiquette, fut importé dans le Nord par Aliénor de Poitiers et par Marie de Champagne sous le règne de Louis VII. Malgré son origine exotique, il s'acclimata très bien dans la région champenoise, picarde et flamande. Chrétien de Troyes l'introduisit, nous l'avons vu, dans les romans de la Table Ronde. Il écrivit aussi des chansons lyriques dans la forme de celles des troubadours. Après lui, Dabi le Rimeur, Conan de Béthune, Gasse Brûlé, le Châtelain de Coucy, le comte Thibaut de Champagne, Gautier d'Espinous, Colin Muset, etc., se sont exercés en ce genre savant et maniéré. Ils ont laissé des bluettes jolies, soignées. Salut d'amour, Tanson et Je partis. La littérature française, épique et lyrique en Europe. Les poèmes épiques, les romans, les chansons lyriques des Français, Français du Nord et Provençaux, ont été jadis fort goûtés. Les traductions et les adaptations qui en furent faites, au Moyen-Âge dans toute l'Europe, l'attestent clairement. En Angleterre, grâce à la conquête de Guillaume le Bâtard, on a parlé et écrit le français pendant des siècles. Les œuvres françaises y étaient lues, comme en France. La littérature anglo-normande du Moyen-Âge n'est qu'une branche de la littérature française de ce temps. L'Espagne fut dès son berceau sous notre dépendance. Dès 1150, le troubadour Marcabru voyagea en Castille et en Portugal. Il y implanta les conventions de la poésie courtoise. Les rois d'Aragon, Alphonse II et Pierre III, figurent sur la liste des troubadours. Ils ont écrit en provençal de France. Le premier roi de Portugal qui eut une cour poétique, Alphonse III, 1248-1279, avait passé sa jeunesse en France, d'où il avait ramené sa femme, fille de Philippe Hurepel. Ce sont des thèmes lyriques français qui ont inspiré au XIIIe siècle les remarquables productions de la poésie portugaise, où quelques-uns ont voulu voir à tort une poésie populaire, originale et indépendante. En Italie, les faits sont encore plus frappants. Les Italiens de la vallée du Pô se sont servis en ce temps-là du provençal et du français de préférence à leur propre langue vulgaire. Bartolomeo Zorghi, Sordel de Mantoue, Lanfrancigala, Dante de Meiano ont écrit en provençal. Le Florentin Brunetto Latini, exilé de sa patrie, composa en 1265 son trésor en prose française parce que le langage français est plus délectable et plus commun à toutes gens. Le Vénitien Marco Polo dicta en 1298 à Rusticien de Pise, une relation en français de ses voyages dans l'Extrême-Orient. Nos chansons de gestes furent imitées de bonne heure en Lombardie par d'habiles gens qui parfois égalèrent leurs modèles, comme les deux auteurs, l'un padouan et l'autre véronais, de l'entrée de Spagne. La matière de France fournit plus tard le canevas des poèmes de Pulci et de l'Arioste. Le lyrisme provençal eut une influence considérable sur la poésie de Dante Alighieri lui-même. Les pays continentaux de race germanique, Scandinavie, Allemagne, Hollande, n'ont pas accueilli moins volontiers que les pays de race latine notre lyrisme et nos légendes. Comme l'épopée française ne nous est parvenue que très mutilée, il arrive même assez fréquemment que les originaux français ayant disparu, nous n'en avons plus connaissance que par des imitations norvégiennes, souabes ou néerlandaises. Si la chanson de Roland était perdue, nous en aurions encore une traduction en prose norvégienne du XIIIe siècle, une traduction libre en vers allemand faite par le clerc Conrad vers 1133, des fragments d'une traduction en vers néerlandais et diverses versions italiennes. Le Tristan du trouvère anglo-normand Thomas est presque entièrement perdu. Mais nous avons pour le reconstituer, quant au fond, trois traductions en allemand par Gottfried de Strasbourg, en norwégien, en prose vers 1225 et en anglais. En Allemagne, les empereurs de la maison de Hohenstaufen encouragèrent l'introduction des choses françaises, et la cour des Landgraves de Thuringe fit au nord ce que la cour impériale de Souabe fit au midi. Là comme ailleurs, nos chansons de gestes eurent d'abord, comme de raison, les honneurs de la copie. On doit au clerc allemand Lamprecht une version de l'Alexandre d'Albéric de Besançon. La guerre de Troie de Benoît de Saint-Maur fut traduite au commencement du XIIIe siècle par un rimeur essois de Fritzlar. Hartmann, dos en Souabe, l'un des soldats de la Troisième Croisade, s'attaqua au roman de la Table Ronde. Il en fit passer en allemand une demi-douzaine. Il y a encore d'autres grands noms. Wolfram d'Eisenbach, qui mit Alice Kamp en vers allemand et composa un Parseval d'après des sources françaises, Gottfried de Strasbourg, imitateur des Français et des Anglo-Normands. Les premiers Minnesinger, chantres d'amour, ont reflété très fidèlement de leur côté la poésie romane. C'est à tort que l'on a dit quelquefois qu'ils ne doivent rien à l'influence étrangère. La plus ancienne école lyrique de l'Allemagne doit à la France quelques-uns des thèmes sur lesquels elle s'est exercée. Et tout le monde s'accorde à reconnaître que dès le début du XIIIe siècle, la courtoisie française régna en maîtresse dans les cours allemandes, au temps des Heinrich von Weldeck, des Heinrich von Morungen, des Reinhard von Hagenau et du roi des Minnesinger, Walter von den Vogelweide, cet écrivain naturel, tendre, passionné, qui malgré les entraves d'une poétique d'emprunt, s'est mis si fort au-dessus de ses maîtres. La tyrannie de nos modes fut alors universelle. La poésie bourgeoise. Il est cependant toute une partie de la littérature française du Moyen-Âge qui n'a pas été un article courant d'exportation. C'est la plus nationale, la plus vivante, la littérature plaisante, satirique et bourgeoise. La gaieté, la gaillardise des Français furent de très bonne heure proverbiales. Même à l'époque où les grosses machines épiques des cycles de Garin de Montglane et de la Table Ronde trouvaient en France un public, elles s'étaient irrévérencieusement épanchées dans les parodies cyniques telles que Odigier. Des poètes, ordinairement graves, n'avaient-ils pas pour complaire à leurs auditoires intercalé des épisodes comiques jusque dans des chansons de gestes, dans Aimerie de Narbonne, dans Aïeul? Mais les bourgeois des communes du nord de la France, fins et grossiers, spirituels et communs tout ensemble, ont inventé, dès le milieu du XIIe siècle, les fabliaux, l'expression la plus parfaite de leur goût et de leurs aptitudes littéraires. Les fabula ignobilium, ou fabliaux, sont des contes en vers pour rire, souvent obscènes ou scatologiques, mais pleins de naturel, de verve et de vérité. Ces petits poèmes, dont le plus ancien, Richeux, est daté de 1159, ont pour objet la narration ironique, mais sans prétention, et sauf à l'endroit du clergé, sans méchanceté, d'aventures récréatives. Les jongleurs, Rutebeuf, Gauthier Leloup et Garin, sont parmi les plus habiles, qui les ont rimés en un style limpide, net et souriant, sont les ancêtres authentiques de Villon, de Marot, de La Fontaine et de Voltaire. L'esthétique bourgeoise du Moyen-Âge ne s'est pas du reste traduite seulement dans les fabliaux. Des fabliaux, il convient de rapprocher, comme animés du même esprit, les dits contre les femmes et les usuriers, les débats, les bibles de Guyot de Provins et de Hugues de Bercé, les satires sur l'état du monde, œuvre de moraliste peu recommandable, mais de très clairvoyant railleur. Citons encore les congés et les jeux des poètes d'Arras, dont Jean Baudel et Adam de la Halle sont à bon droit les plus connus. N'oublions pas enfin les poèmes fameux qui renferment en même temps que les morceaux d'un autre caractère des parties tout à fait comparables aux meilleures productions de Rutebeuf et de ses émules, Roman de Renard, Roman de la Rose. Les contes animaux du Roman de Renard s'adressent au public gouailleur et bon enfant des fabliaux. Ils valent aussi par des qualités d'observation sèches et vives. Quant au Roman de la Rose, il se compose de deux parties. La première, écrite vers 1237 par un jeune homme de 25 ans, Guillaume de Loris, est un traité didactique, élégant et froid, de l'art d'aimer courtoisement. La seconde partie, rédigée 50 ans après la première par Jean de Meung, est un recueil de dissertations philosophiques, théologiques, scientifiques, de satires contre les femmes, contre les ordres religieux, contre les rois et les grands, d'anecdotes où se résume et s'affiche la philosophie, la théologie, la science, les habitudes d'esprit goguenardes et légères des bourgeois de ce temps-là. Le roman de la rose de Jean de Meung, les branches les plus anciennes du renard, le jeu de la feuillée d'Adam de la Halle, représenté à Arras en 1262, le chante-fable charmant d'Aucassin et Nicolette, voilà les fruits les plus relevés de cette littérature de la classe moyenne, marchands, vilains enrichis, dont Audigier et Conebert sont les spécimens les plus bas. L'histoire. L'historiographie en langue vulgaire date des croisades. La première expédition fut chantée par un témoin oculaire, Richard le Pèlerin, dont l'œuvre est perdue. Ambroise, jongleur sans talons mais naïf et consciencieux, a consacré 12 000 vers à l'histoire de la troisième croisade, où il avait accompagné son maître, Richard Cœur de Lion. La quatrième croisade a inspiré deux chefs-d'œuvre, les premiers de la prose française. La conquête de Constantinople, de Geoffroy de Villehardouin, maréchal de Champagne, et la relation d'un chevalier picard, Robert de Clary. Villehardouin faisait partie des hauts hommes qui détournèrent la quatrième croisade vers Constantinople. Son livre est une habile et partiale apologie de sa conduite. Il est écrit avec une puissante simplicité. Il fait songer au Roland, dit M. Paris, comme Hérodote rappelle Homère. Robert de Clary représente au contraire le parti des pauvres chevaliers, des simples soldats. Il a moins de noblesse que le maréchal de Champagne, mais il a encore moins d'apprêt, et il sait faire voir les grands événements et les beaux spectacles qu'il a vus. Enfin, nous devons à la septième croisade, celle de Saint-Louis, les récits du sire de Joinville. Le livre de Joinville est, comme ceux de Villehardouin et de Clary, un très précieux monument littéraire, parce qu'il n'a point la prétention d'être de la littérature. Le bon sénéchal, type excellent du chevalier du XIIIe siècle, a dicté, à l'âge de 80 ans, une biographie de Louis XI, dont il avait été l'ami et le compagnon 50 ans auparavant. Quelques parties de sa narration portent des traces de sénilité, mais d'autres sont, au contraire, si vives et si fraîches qu'elles semblent avoir été rédigées peu de temps après les événements. Joinville avait sans doute pris des notes qu'il n'a fait que rajuster dans sa vieillesse quand la reine Jeanne de Navarre le pria de coucher par écrit les paroles et les beaux faits du saint roi. Comme document historique sur la septième croisade, les mémoires de Joinville ne valent peut-être pas les lettres si claires et si précises écrites d'Égypte par Jean Sarrazin à ses amis de France. Mais le style en est délicieux. Le sénéchal se laisse aller au fil d'une causerie familière, et s'il radote un peu, s'il est confus, il rachète amplement ses défauts par sa bonhomie, sa simplicité, sa sincérité. L'habitude de décrire l'histoire en langue vulgaire, née au temps des croisades, se répandit en Occident de bonne heure. Malheureusement, les jongleurs qui l'adoptèrent comme genre littéraire ne se bornèrent pas, comme Ambroise et les prosateurs champenois, à raconter des choses vues. Ils mirent en rime ou en assonance de vieilles chroniques qu'ils embellirent à la manière des arrangeurs d'épopées anciennes. L'histoire des Anglais de Geoffrey Guémard, qui versifia platement entre 1147 et 1151, l'histoire de Bretagne depuis l'expédition des Argonautes jusqu'à la mort de Guillaume le Roux, est une production aussi artificielle que celle des chantres d'Arthur. Il en faut dire autant des poèmes du Gersiévas, dont le roman de Rowe, écrit de 1160 à 1174, s'arrête à l'année 1107 et ne rapporte par conséquent que des faits auxquels l'auteur n'a pas assisté, et les 40 000 vers de Benoît de Saint-Omor, contemporain de Vas, qui n'a pas mené non plus l'histoire anglo-normande jusqu'au temps où il l'a vécu. Plus intéressantes, sans comparaison, sont les œuvres, d'ailleurs inégales sous le rapport de la forme, de Jourdain Fantôme, du biographe anonyme de Guillaume le Maréchal, de Guillaume Guillard et de Philippe Mousquet, parce qu'elles émanent de témoins oculaires. L'influence bienfaisante de la réalité y combat le goût, si répandu au Moyen-Âge, des banalités conventionnelles. Jourdain Fantôme a écrit en vers l'histoire de la guerre de Henri II Plantagenet contre le roi d'Écosse en 1173-74. Philippe Mousquet, de Tournai, fort ennuyé quand il parle, d'après des sources connues, des événements qui se sont passés entre la guerre de Troie et son temps, vers 1240, est intéressant quand il raconte l'histoire flamande du XIIIe siècle. Guillaume Guillard, sergent d'armes dans l'armée de Philippe le Bel, a consacré 12 000 vers aux guerres de ce prince en Flandre. Mais le mieux doué de ces poètes chroniqueurs, c'est l'anonyme, dont le livre récemment exhumé est un des monuments les plus remarquables de la littérature médiévale. Il a pour sujet, dit M. Pémeyer qui l'a découvert, l'histoire très détaillée de Guillaume le Maréchal, comte de Pembroke, régent d'Angleterre pendant les premières années du règne de Louis III, mort en 1219. L'auteur, peut-être un héros d'origine normande, a gardé l'anonyme, mais nous savons qu'il a composé son ouvrage d'après des sources très sûres, qu'il était contemporain des événements qu'il a racontés et qu'il avait de la bonne foi et du jugement. Il avait en outre du talent. Son style est souple, aisé, vigoureux, sans cheville. Il est inimitable dans l'anecdote et il a parfois des accents d'une simplicité tragique. Autre monument de la littérature en langue vulgaire. On a beaucoup écrit au Moyen-Âge, en France, en langue vulgaire. La littérature didactique, primitivement réservée aux clercs, comme la littérature historique, a été, comme celle-ci, cultivée aussi par des laïcs, à partir du XIIe siècle. On a publié depuis lors en langue vulgaire quantité de compilations pseudo-scientifiques, lapidaires, bestiaires, computes, livres des propriétés des choses, traduites d'originaux en latin, voire des traités de philosophie, tels que le secret des secrets, attribué à Aristote. L'Image du monde, de Gauthier de Metz, 1245, est une encyclopédie de la science des clercs à l'usage des laïcs, comme le trésor de Brunetto Latini. On fit passer, ou l'on composa d'autre part en langue laïque, toute une littérature religieuse, récits bibliques, légendes de la Vierge, légendes hagiographiques, contes dévots, traités de morale, psaumes, mystères, miracles. Il y a dans tout cela beaucoup d'illisibles fatras. Bien rares sont les livres dont le fond est original et la forme personnelle. Et ces livres-là, comme les coutumes de Beauvaisis de Philippe de Beaumanoir, par exemple, n'ont pas tous reçu en leur temps l'accueil qu'ils méritaient. Fin de la section 52, lue par Isade, quelque part en France, en novembre 2021.